Besoin d'infos? Envie de retrouver un titre diffusé? Découvrir nos playlists? N'hésitez pas à nous dire bonjour. Pour nous contacter, bonjour@rqc.be. bonjour@rqc.be. Les tartes claquent. Les lumières s'éteignent. C'est backstage. Backstage. Eh bien, bien le bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC 95 FM. Voilà, vous êtes avec Scream, avec moi donc jusque 10h30 pour l'émission Backstage. Aujourd'hui, ben, j'ai décidé de vous parler d'un groupe américain. Et non, je ne vais pas vous faire un hommage à Malcolm Young qui nous a quittés ce samedi, car je l'ai fait lundi dans l'émission Riff d'Enfer. Donc voilà, tout est dit, comme ça vous ne posez pas la question. Aujourd'hui donc, j'ai décidé de vous parler d'un grand groupe américain, et franchement, ça faisait longtemps que j'avais envie de vous parler de ce groupe. Et là, comme on va faire comme d'habitude, je vais vous jouer un extrait, et peu après, enfin, le premier titre de l'album. Donc, il s'agit d'un album sorti en 1992, et après, on va découvrir le groupe si vous n'avez pas trouvé d'ici là. Allez, c'est parti avec le premier titre que je désannoncerai, bien entendu, juste après, sinon je ne vais pas vous faire un petit peu chercher comme ça pendant 2 minutes 32. C'est parti, les amis. Voilà, est-ce que vous avez trouvé ce groupe ben, je sais pas, hein. Ben, j'espère pour vous et d'autres, ben, je vais vous dire tout simplement. Il s'agit du groupe Alice in Chains. Et donc là, on va vous parler de l'album Dirt qui est sorti en 1992. Donc Alice in Chains, c'est un groupe américain. Leur genre de musique, ben, comme vous avez pu le constater, hein, ils ont fait un peu de tout. Ils font toujours un peu de tout. Metal alternatif, grunge, heavy metal, sludge metal. et même des fois un peu tendance stoner. Donc l'année d'activité, c'est de 1987 à 2002, puis ils ont repris en 2005 jusque maintenant. Le label est chez Columbia, Virgin Records et EMI Records, site officiel, donc Alice in Chains, avec un S bien entendu, .com. Composition du groupe, Jerry Cantrell, Mike Inez, Sean Kinney et William Duval. Anciennement, tous les deux décédés, Lane Stanley et Mike Starr. Alice in Chains est un groupe de rock américain originaire de Seattle, ville de l'état de Washington, formé en 1987 par le guitariste Jerry Cantrell et le chanteur Lane Staley. Il s'agit d'un l'un des groupes de grunge les plus acclamés et considérés comme partie intégrante du Big Four of Seattle, aux côtés de Nirvana, Pearl Jam et Soundgarden. Le style musical inclut des rythmes sombres et lourds, mais est très mélodique. Et se caractérise également par une variété de sons. Ce qui rend difficile la classification exacte du groupe. Le groupe est généralement catégorisé grunge, mais s'inspire du heavy metal des années 1970, contenant des éléments issus des riffs lourds de Black Sabbath et des éléments de hard rock mélodique proches du style musical de Led Zeppelin, entrelacés de compositions plus douces et plus propres dans un style plus acoustique. Les lignes vocales harmonisées sont un autre trait distinct du groupe. Le groupe acquiert une renommée internationale grâce à l'album Dirt, donc l'album qu'on va parler aujourd'hui, hein, et le premier single promotionnel de l'album World, qu'on écoutera durant l'émission, devient l'un des représentants les plus populaires du rock dans les années 1990. Le groupe dénombre plus de 25 millions d'albums vendus à travers le monde, dont 14 millions aux États-Unis. Après leur publication de l'album Jar of Flea et Alice in Chains, atteignent les premières places dans les classements américains. Jar of Flea est le premier EP à atteindre la première place des classements. Le groupe a également nommé 9 fois aux Grammy Awards. Le groupe n'a jamais officiellement été dissous, mais à la mort du chanteur Lane Stanley en avril 2002, il suspend son activité jusqu'en 2005, date à laquelle Stanley est remplacé par le chanteur William Duval. Ben, franchement, moi je peux vous dire que c'est un groupe qui envoie quand même sur scène. On a eu l'occasion de les voir à Arras il y a 2-3 ans. Et franchement, c'était canon. On va s'écouter le deuxième titre et on va s'écouter Down That River d'Alice in Chains. Je vous ai bien branché sur RQC. We'll be right back. Down the River, c'est bien entendu Alice in Chains, c'est le backstage consacré à l'album Dirt. Mais avant de vous parler de cet album, car il y a beaucoup de choses à dire sur cet album, on va d'abord vous parler de la formation et les débuts de ce groupe. Hein. De 1984 à 1989, il y a bien beaucoup de choses à dire quand même. Russ Klatt est à l'origine du nom du groupe. Le chanteur dans le groupe Slaughterhouse 5, au cours de l'une des conversations avec le guitariste Johnny Boskalasem, qui cherchait un nom pour un nouveau groupe, Klatt lui a fait deux propositions, Alice in Wonderland, Alice au pays des merveilles bien entendu, ou Alice in Chains. Ce dernier séduit le musicien qui le lendemain informe les autres, le seul problème était le fait que le nom est fortement associé à l'esclavage féminin. Par conséquent, il est alors décidé de nommer le groupe Alice in N, donc apostrophe Chain. En 1984, des étudiants du Shorewood High School, Johnny Boccola, Zola Sermanete, Byron Hansen et James Bergstrom forment un groupe de glams nommé Sleaze. Le poste de chanteur est attribué à un étudiant du Middlewood High School, Lane Staley, qui se rendra à l'audience et à la demande de son demi-frère Kenna Elmera. Après la formation du groupe, le groupe fait ses débuts dans le garage de Bacola. En 1986, le guitariste Nick Pollock rejoint le groupe et le groupe se renomme Alice in Chains. Le chanteur définit la musique du groupe comme un mélange de glam metal, de thrash metal. Sur scène, les membres du groupe portent des maquillages et des tenues en latex. Leur style musical s'inspire fortement des compositions du groupe Poison. La chanson la plus célèbre du groupe est la chanson Queen of the Rodeo, composée par Stanley et Jetta Silvera, qui serait popularisée par Alice in Chains un an plus tard. Le groupe reprend l'enregistrement de deux démos un an plus tard. Le premier est enregistré en 1986 au London Bridge Studio de Seattle, produit par Tim Branum. La démo est enregistrée pour $1,600 et est limitée à seulement 100 exemplaires. Le deuxième album est enregistré en 1987 dans un home studio, mais autoproduit par le groupe. Au cours des concerts, le groupe effectue souvent des reprises de groupes comme Armored Saint et Slayer. Plus tard, cette même année, le projet musical est officiellement dissous. Le guitariste Nick Pollock forme avec les membres de Mistrust en 1989 le groupe My Sister of Machine. Stanley crée quant à lui un lieu de répétition qu'il nomme Music Bank, dans lequel il vivra après avoir quitté sa maison. Stanley rencontre le guitariste Jerry Cantrell au Music Bank, où les deux musiciens se partagent le local de répétition et où ils habitent ensemble. Stanley rejoint le groupe de funk qui recherchait également un guitariste. Stanley demande alors à Cantrell de le rejoindre en tant que sideman. Cantrell accepte à condition que Stanley se joint à son groupe, qui comprend alors le batteur Sean Kinney et le bassiste Mick Starr. En 1987, lorsque le groupe funk est dissous, Stanley rejoint le groupe de Cantrell en tant que musicien à plein temps, jouant dans des circuits de clubs à travers l'état de Washington, étirant ses 15 minutes de matériel original afin de présenter 45 minutes de spectacle. Le groupe joue quelques concerts sous des noms différents tels que Lay Diamond, qui fut le nom de l'ancien groupe de Cantrell, avant de finalement opter pour le nom avec laquelle l'ancien groupe de Stanley avait flirté Alice in Chains. À la faveur de l'un de ses concerts, le promoteur local Randy Hauser découvre le groupe et lui propose d'enregistrer une démo. Toutefois, la veille du jour où le groupe doit enregistrer au studio Music Bank à Washington, la police ferme le studio pendant ce qui est considéré comme la plus grande saisie de cannabis de l'histoire de l'État. Nommée The Trust House Tape, la démo finale, achevée en 1988, se retrouve entre les mains de Kelly Curtis et de Susan Silver, qui a également géré le groupe Soundgarden. Curtis et Silver présentent la démo aux représentants de Columbia Records, Nick Terzo, qui programme aussitôt un rendez-vous avec le président du label, Don Lehner, sur la base de The Trades Who Step. Inner signe Alice in Chains à Columbia en 1989. Le groupe enregistre également une autre démo, sans titre, sur une période de 3 mois en 1989. Cet enregistrement peut être entendu sur le bootleg suite Alice. Nous, on va s'écouter un autre titre d'Alice in Chains avec Ryan Wayne in Die. Voilà, donc c'était le troisième titre de l'album Dirt d'Alice in Chains avec Rain When Die. Alors, donc là, je vous ai dit, il y a beaucoup de choses à dire sur... Et oui, il y a beaucoup de choses à dire sur l'album Dirt. Et là, on va commencer de suite parce que sinon, je n'aurai pas tout le temps de le faire. Donc, Dirt est l'album d'Alice in Chains sorti le 29 septembre 1992. Il a été enregistré à l'Eldorado Recording Studio à Burbank, au London Bridge Studio de Seattle et le One on One Recording Studio à Los Angeles. La durée de l'album est de 57 minutes 35 secondes. Genre de musique, ben là vous avez pu le constater, grunge, metal alternatif et je dirais même un peu une petite dose de stoner. Hein. Il y a le CD en format CD, bien entendu, cassette et aussi en vinyle. Le producteur est Alice in Chains et Dave Jerden et c'est sorti sur l'album Columbia. Dirt est le deuxième album studio du groupe de rock américain Alice in Chains, originaire de Seattle, sorti le 29 septembre chez Columbia. C'est l'album qui contribuera à la renommée du groupe. Dirt est souvent cité comme étant le meilleur album du groupe et un classique de l'âge d'or du grunge. Il a été enregistré alors que son chanteur Lane Staley souffrait d'une dépendance à l'héroïne. La musique sombre et torturée de l'album a aidé à devenir un succès. Il a atteint la 6e position dans le top 200 du Billboard et il serait certifié disque de platine par le Recording Industry Association of America 2 mois après sa sortie. Puis quelques années plus tard, quadruple disque de platine. Dirt est classé habituellement sur les listes des meilleurs albums rock de tous les temps. Il a été très très bien accueilli par les critiques et par le public et fut nommé pour un Grammy Award de la meilleure performance vocale hard rock de 1992. Après, je vais vous parler un peu du contexte de cet album, de l'enregistrement en même temps. Mais avant ça, on va s'écouter un quatrième titre, avec Sick Man. Sick. RQC, une radio libre, sans publicité, sans parti, mais pas sans parti pris. Voilà, donc juste auparavant, c'était bien entendu Alice in Chains, hein, l'album Dirt, avec Sick Man. Alors le contexte de cet album, ben, après avoir obtenu un disque d'or pour son premier album Facile Life, le groupe gagne en popularité, notamment en raison du succès de Nirvana avec la sortie Nevermind en 1991, qui est en partie responsable de la qualification d'Alice in Chains en tant que groupe alternatif. Par opposition à l'audience du groupe de heavy metal lors des premières tournées, ainsi qu'en 1992, le groupe sort un EP composé de sessions acoustiques nommées SAP, avec la participation sur l'album de Anne Wilson de Hearts et Chris Cornell de Soundgarden et Mark Arm de Mudhoney. Durant la même année, le groupe fait ses premiers pas au cinéma dans le film Single de Cameron Crowe. Il est interprété le groupe dans un bar et joue It Ain't Like That, une chanson inédite World, qui est sortie en tant que single pour la bande originale du film. Le groupe a envoyé en 1991 une démo de 10 chansons, dont certaines vont apparaître plus tard sur l'album Dirt et d'autres sur le EP SAP. Et World a été choisi et réenregistré pour intégrer pour la bande originale du film. World a été bien accueilli et gagne un MTV Music Video Award en 1993 comme le meilleur clip. La chanson est considérée comme l'une des hymnes de grunge et de la génération de la génération X, et a laissé entrevoir la sortie de nouvel album fin 1991. Le groupe présente au public les chansons Sick Man et Junkhead. Après la sortie du single, Alice in Chains commence à enregistrer le successeur de Facelift sans aucune pression et ingérence du label. L'enregistrement. Les membres du groupe ont commencé à répéter les titres de l'album à Los Angeles en avril 1992. Ils entrent en studio avec le producteur Dave Jerden, qui avait déjà travaillé avec le groupe lors de leurs précédents travaux. Tom Araya, le chanteur de Slayer, a été invité à participer à un jeu de Jerry Cantrell avec un riff qu'il jouait constamment et qu'il irritait les autres membres du groupe en chantant sur le morceau intitulé Iron Gland, en référence au titre de Iron Man de Black Sabbath. Dans un premier temps, Araya pensait que l'idée était idiote, mais a été convaincu quand Cantrell a dit que c'était exactement les raisons pour lesquelles il a dû chanter. Le titre n'est apparu sur l'album qu'après que Cantrell promit de ne plus jamais jouer à nouveau le riff. Pendant les enregistrements, les relations entre Stanley et le producteur Dave Jerden se sont dégradées en raison de l'état d'ébriété de Stanley durant les enregistrements, ce qui aurait créé des tensions. Plus tard, Jerden a commenté: quel est mon travail en tant que producteur? Produire un disque? Je ne suis pas payé pour être un ami de Lane. Les séances ont pris fin en mai de la même année. L'album a été mixé par Jerden à Eldorado et le mastering a été réalisé par Eddie Cheruiyer et Steve Hall au futur disque à Hollywood. En post-production, 13 chansons ont été considérées pour l'inclusion sur l'album, dont seulement 12 ont été retenues par la version finale, avec l'ajout du dernier moment du titre World qu'on écoutera tout à l'heure. Avant de vous parler musique, nous on va s'écouter Rooster, le cinquième extrait de l'album Dirt de Alice in Chains. Voilà, donc c'était le titre Rooster d'Alice in Chains, l'album Dirt, sorti en 1992. Alors, côté musique, ben, contrairement à Facelift, Dirt marque l'abandon des sonorités glam metal que le groupe possédait au début de leur carrière. Et quelques chansons qui imprégnaient l'album précédent. Le son est plus lourd et plus orienté vers le heavy metal, mais suffisamment pour être étiqueté grunge. Ce qui est une évolution naturelle du son du groupe, une différence majeure est présente. C'est la ballade Down in a Hole. Le guitariste Jerry Cantrell est le principal compositeur et en grande partie sur l'ensemble de l'album. Mais il est également une grande participation sur avec d'autres membres du groupe, en particulier Len Stanley, qui a écrit et composé le titre Hungry Chariot Hate to Feel, dont la collaboration conjointe de l'ensemble du groupe est sortie la chanson Rain When In Die, celle qu'on a écoutée tout à l'heure, donc bien entendu visiblement différente du reste de l'album. Steve Huey de AllMusic a décrit le ton de l'album comme un assemblage brisé et hanté par des paysages dévastés. Les chansons de Dirt comportent des paroles sur l'amour, sur Down in the Hole et Rain When Die, même si le thème principal de l'album est la dépendance à la drogue. Sick Man, Junk Hand, Dirt, Godsmack, Hate to Feel et Hungry Chair sont basés sur les expériences de Stanley avec l'héroïne et forment un semi-concept, si vous voulez. D'autres sujets sont abordés dans cet album, tels que la mort sur le titre Ten Boon, qui exorcise les démons de Cantrell, World, basé sur la mort du chanteur Andrew Wood du groupe Mother Love Bone, Down That River, inspiré d'un combat entre Cantrell et Kinney, et Rooster se base sur les expériences du père de Cantrell qui a combattu durant la guerre du Vietnam. La moitié de l'album a été composée pendant la tournée de Clash of the Titans, un an et demi avant l'enregistrement de l'album Dirt, et Rooster sont encore plus vieux après avoir été présentés au public lors de la tournée en 1990 avec Iggy Pop, tandis que l'autre moitié a été écrite et composée un mois avant l'enregistrement. En la publication et la promotion de cet album, le premier clip réalisé pour la promotion de l'album et Ten Boon par Rocky Schenck à Los Angeles. Le clip montre le groupe jouant dans une vallée avec diverses images en rapport avec le thème et de la chanson. Le groupe commence la tournée pour promouvoir l'album quelques jours avant la sortie de ce dernier, y compris une performance pour le lancement du film single en jouant Junkhead et World. Dirt est sorti le 29 septembre, donc 1992. Le clip Hungry Chair est réalisé par Matt Mahurin en décembre 1992, en continuant le chemin déjà ouvert avec Ten Boon et de stimuler davantage la popularité du groupe. Le groupe a continué à produire des vidéos Rooster de Mark Pennington en août 1993 et Down in a Hole, filmé par Nigel Dick à Palm Springs et dédié à Chuck Chien, défunt de Mike Inez. Je me suis trompé. Chuck, le chien défunt de Mike Inez. Voilà. Nous, on va s'écouter Junkhead, justement, d'Alice in Chains, et on se retrouve tout de suite après. Et oui, c'est avec un son très très lourd quand même, là, avec le Junkhead. On voit vraiment bien, on sent l'inspiration, les côtés sombres comme décrit tout à l'heure. Voilà. Alors en tournée, ben, on a, donc après quelques petits concerts, Alice in Chains a entrepris une tournée de 3 mois avec Ozzy Osbourne aux États-Unis, dans lequel Lane Stanley s'est cassé le pied et continuait d'effectuer les concerts avec le groupe dans un fauteuil roulant et en béquille. Après, il a suivi d'une tournée sur la côte ouest des États-Unis avec Screaming Tree et Grand Trucks. Avant de partir pour l'Europe, le groupe effectue un bref passage, mais remarquablement par le Brésil, en se produisant au festival Hollywood Rock à Rio de Janeiro et São Paulo. Ces dates sont les dernières avec le bassiste Mike Starr, qui quitte le groupe en raison de la fatigue de nombreuses tournées. Le groupe convoque alors le bassiste du groupe Ozzy Osbourne, Mike Inez, pour le remplacer. Été 1993, le groupe participe au festival alternatif Lollapalooza, aux côtés du groupe comme Primus, Tool, Rage Against the Machine, Babes in the Tall Lands, confirmant Inez comme le nouveau bassiste du groupe et a été bien reçu au festival. Le groupe a fait une tournée rapide appelée Down in Hole Tour qui se passait aux États-Unis, en Europe, au Japon, en Australie, en 6 semaines, avec en première partie My Sister Machine, Swin Winter Tad et The Poor Boy et Suicidal Tendency, terminant la promotion de l'album en octobre 1993. Durant cette tournée, le titre Iron Gland servait d'introduction au concert. Nous, on va s'écouter le titre éponyme de l'album Dirt et on se retrouvera juste pour vous parler un petit peu de l'artwork avant de se dire au revoir. Voilà, donc c'était le titre éponyme de l'album d'Alice in Chains, Dirt. Alors, en vous parlant un petit peu de l'artwork, l'artwork de Dirt a été réalisé par Marie Maurer, direction des effets, donc Doug Elbe de la conception et David Coleman le logo. Alors que l'image a été réalisée par Rocky Shanks, la couverture de l'album montre une femme enterrée dans un désert en érosion, avec un arrière-plan, un canyon avec le ciel orange. Et contrairement à ce qui a été communément dit, le modèle qui est posé sur la photo de couverture n'est pas l'ancienne petite amie de Lynn Stanley, d'Emery Parrott, mais l'actrice Maria O'Brien. Voilà, donc c'était pour vous parler un petit peu de ça. Nous, on va se quitter avec donc le titre World de Alice in Chains. Donc c'était un spécial backstage aujourd'hui pour l'album d'Alice in Chains Dirt, sorti en 1992. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau backstage. Ciao les amis, restez bien branchés sur RQC 95 FM.